Depuis 10 ans, les Balkans sont au cœur de l'actualité, pour le plus grand malheur des populations de cette région qui a toujours été la poudrière de l'Europe. Exacerbation de nationalisme provisoirement en sommeil, désagrégation d'un État fédéral, la Yougoslavie, qui avait eu le mérite de juguler les tensions et d'apaiser les querelles pendant plusieurs dizaines d'années, massacres de masse, viols, pillages. Hier, la Bosnie, aujourd'hui, le Kosovo. Et toujours, le malheur et la haine, comme pendant les premières guerres balkaniques qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Comme il y a plus d'un demi-siècle, lorsque les Croates, Dante Pavelić, alliés de l'Allemagne nazie, massacraient les populations sous le prétexte d'affronter les résistants serbes. Avant les vacances, mon attention a été attirée par un livre qui venait de paraître à la librairie Perrin. Son titre m'a intrigué. Héros trahi par les alliés, le général Mihailović. Son titre est aussi la photo de couverture, celle d'un homme barbu, vêtu d'une vareuse militaire fripée. Ses mains sont menottées. Sous le bonnet qui le coiffe, le regard, dissimulé par de petites lunettes rondes, exprime la résignation. Celle d'un homme qui se sait vaincu, celle d'un homme qui va mourir, exécuté par les siens. Coïncidence, mais ce n'en est sans doute pas une, l'actuel maire de Belgrade, Vojislav Mihailović, élu contre la volonté de Slobodan Milošević, est le petit-fils de cet homme fusillé en 1946. Héros trahi par les alliés. Héros essentiellement trahi par Churchill, avec la complicité de Staline, m'a appris la lecture de cet ouvrage de Jean-Christophe Buisson. Mais j'ai voulu en savoir plus. Pourquoi le général serbe Mihailović a-t-il été trahi? Pourquoi Churchill, après l'avoir ardemment soutenu, l'a-t-il soudain abandonné? Le premier ministre britannique a-t-il été simplement abusé par Staline, qui voulait imposer Tito? Ou bien existe-t-il d'autres raisons plus secrètes, plus mystérieuses? Après avoir lu ce livre, j'ai interrogé M. X lors de l'une de nos dernières rencontres avant les vacances. Savait-il, lui, l'homme des services secrets, quelque chose à propos de cette étrange affaire? Il a souri, puis il m'a dit « Nous verrons cela plus tard si nos chemins se croisent à nouveau ». Fin août, M. X était au rendez-vous et m'attendait, j'avoue, que j'ai été soulagé tant je sens que ces rencontres discrètes ne dépendent que du bon vouloir de mon interlocuteur. M. X était donc là et il m'a proposé une version tout à fait étonnante de l'affaire Mihailović. Draža Mihailović, vous le savez sans doute, était un militaire assez peu conformiste. D'autres, bien plus autorisés que moi, l'ont même comparé à De Gaulle. Pour quelle raison? Le non-conformiste, vous ai-je dit. Puis aussi le même goût pour l'indépendance. L'indépendance de son pays, j'entends. Et puis curieusement, la même conviction que le général. L'avenir est aux unités motorisées et blindées. Et comme Mihailović n'avait pas la langue dans sa poche, ça lui coûtera souvent assez cher. Ah, vous avez des exemples? Oui, en 1920, jeune officier, il prend la défense d'un ami communiste. Il est aussitôt puni. C'est la première fois, ce sera pas la dernière. En 1939, il ose réclamer une réorganisation urgente de l'armée yougoslave. Conclusion, le colonel Mihailović est condamné à 30 jours d'arrêt de rigueur. Un an plus tard, alors que la guerre déferle sur l'Europe, il est une nouvelle fois puni pour avoir tenu des propos anti-allemands en public. C'est une forte personnalité. Hein. Oui, mais un type fidèle. Mihailović est farouchement attaché à son pays, à son roi. Et il le restera jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire devant le peloton d'exécution. T'as un rappel, qui est le roi lorsque la guerre commence? C'est Pierre II. Mais il est encore très jeune et c'est le régent Paul qui est au pouvoir. Il faut aussi rappeler que la Yougoslavie est encore un état neuf dont le ciment unificateur est justement la monarchie incarnée par la dynastie des Karadjordjevic. Et c'est en 1921 qu'est créé l'état des Serbes, Croates et Slovènes, dont le premier roi est Pierre Ier de Serbie. et cette fédération prend le nom de Yougoslavie en 1929 seulement. Et merci pour ce rappel historique. Autre chose, en mars 1941, la Yougoslavie choisit d'adhérer au pacte tripartite. Elle devient donc l'alliée de l'Allemagne. Exactement, mais deux jours plus tard, le régent qui a signé le pacte est renversé par l'armée. Pierre II est proclamé roi. Il dénonce aussitôt l'alliance avec l'Allemagne. La conséquence immédiate, c'est le terrible bombardement de Belgrade par l'aviation nazie et bientôt l'invasion de la Yougoslavie. Et le roi, si je me souviens bien, s'exile. C'est juste, le roi, mais aussi le gouvernement partent pour Londres. À la mi-avril, c'est la capitulation de l'armée et le démembrement de la Yougoslavie. En Croatie, Ante Pavelić, le chef des Ustachi, prend le pouvoir et choisit le camp allemand. C'est le début d'une série innombrable de crimes et d'exactions dirigées contre les Serbes. Un véritable génocide qui va longtemps hanter les mémoires et qui n'est sans doute pas étranger aux événements contemporains. Ouais, je crois que vous avez raison, oui. En tout cas, c'est un génocide, là, perpétré par les Croates. Oui, par les Ustachi, mais avec l'aide d'une milice recrutée dans la population musulmane et avec la complicité de l'Église catholique, dont les autorités ont préféré fermer les yeux. On estime que des centaines de milliers de Serbes ont été alors massacrés. Et Mihailović, alors? Ben lui, il se bat jusqu'au dernier moment. Et quand il comprend que l'armée yougoslave est défaite, il se réfugie dans la montagne serbe et décide de poursuivre le combat en organisant la résistance. Une guerre de maquisards, donc. Oui, Mihailović est incontestablement l'un des premiers résistants. Et ses hommes vont prendre le nom de Tchetnik. Pourquoi ce nom? Parce que c'était celui des Serbes qui autrefois se battaient contre l'occupant turc. On est alors en quel mois, là, de... Début mai 1941, ouais. Et c'est très important parce que les troupes allemandes n'ont pas encore envahi l'URSS. Le pacte germano-soviétique est donc toujours en vigueur. Ce qui signifie que les communistes yougoslaves, eux, ne résistent pas encore. Exactement, seuls les tchétniks de Mihailović se battent. Et plus tard, ça pèsera lourd dans le destin du général. Mmh. Oui, mais c'est en juin 1941, donc seulement quelques semaines plus tard, que l'opération Barbarossa commence. Et que Tito va lancer les communistes yougoslaves de la résistance. D'accord. Mais il n'empêche que Mihailović a été le premier, et le maréchal Tito saura s'en souvenir plus tard. Ouais. Il existe donc tout de suite une rivalité entre les deux hommes? Incontestablement. Mihailović est monarchiste, Tito est communiste. Alors, les résistants français, eux, appartenaient à presque toutes les familles d'opinion. Hein. Oui, mais enfin, il y avait le général de Gaulle et son délégué, Jean Boulin, qui ont réussi à fédérer les différents mouvements de résistance. Et ça n'a pas marché en Yougoslavie? Non. Par deux fois, pourtant, Tito et Mihailović se sont rencontrés à l'automne 1941. Et leurs troupes ont même mené ensemble un combat victorieux puisqu'ils ont obligé une garnison allemande à se rendre. Mais dès le mois de novembre, les partisans de Tito et les tchétniks de Mihailović commencent à s'affronter. Au lieu d'attaquer les Allemands. Oui, pour ceux-ci, cette guerre civile entre résistants, c'était tout bénéfice. Et quelle est l'attitude des alliés vis-à-vis de cette guerre fratricide? Apparemment, ils soutiennent l'un et l'autre, même si c'est évident, Américains, Anglais et Français ont une préférence pour Mihailović, qui n'est pas communiste et va d'ailleurs bientôt jouir d'une reconnaissance officielle puisque le roi en exil en fait son ministre des armées. Mihailović part à Londres, alors? Pas du tout. Il reste dans son pays où il poursuit la lutte. Et son courage force l'admiration. Aux États-Unis, par exemple, Mihailović est considéré comme un héros. Pourtant, c'est loin, la Yougoslavie. Hein? Oui, mais enfin, des journalistes racontent ses exploits. On l'appelle l'aigle de Yougoslavie ou encore le Robin des Bois des Balkans. Il est aussi célèbre que MacArthur, c'est vous dire. Et le général de Gaulle, qui lui voue une grande admiration, va le citer à l'ordre de l'armée au nom de tous les combattants de la France libre. Et sur le terrain, les affrontements continuent entre les résistants? Plus que jamais, oui. Alors même que les nazis leur portent des coups très durs, les communistes sont chassés de Serbie. Et Mihailović doit trouver provisoirement refuge au Monténégro. Mais les partisans, comme ils se nomment eux-mêmes... C'est-à-dire les partisans, c'est les hommes de Tito. Oui, donc les partisans et les tchétniks poursuivent le combat avec acharnement contre les troupes d'occupation allemande et italienne et les Ustachi du Croate Pavelić. Avec les mêmes méthodes? Pas tout à fait, non. Et ça aussi, ça sera plus tard reproché à Mihailović. Expliquez, là. Eh bien, Mihailović fait preuve de plus de modération, ou de prudence, comme vous voudrez. Parce qu'il sait qu'à chaque coup de main de la résistance, les Allemands prennent les otages et les exécutent. En octobre 41, par exemple, plus de 7000 Serbes, hommes, femmes, enfants, sont tués à Krakuchvac. Tués par les Allemands? Oui. En représailles. Et le lendemain, il y en aura encore autant de massacrés. Ça explique pourquoi Mihailović recommande aux hommes placés sous ses ordres d'éviter toutes les initiatives individuelles. Tito, lui, ne se pose pas ce genre de questions? Tito est pour la guerre totale, parce qu'il sait que les exactions allemandes contribuent aussi à renforcer les sentiments patriotiques de la population. Peut-être cynique, mais enfin c'est efficace. Je vous rappelle que ce débat a aussi existé chez nous. Et les résistants communistes ont agi comme Tito. Ouais, pratiquant des assassinats de soldats allemands. Oui, j'ajoute, et c'est important pour la suite, que très tôt, Tito accuse Mihailović de collaboration. Et qu'en est-il? C'est faux. Mais il est vrai que le dirigeant monarchiste a eu des contacts avec les Allemands, mais c'était à la demande de ceux-ci. Mais pourquoi des contacts? Il demande sa reddition. Et pardonnez-moi l'expression, mais Mihailović les a envoyés paître. Il reste toutefois qu'il y a eu un contact et qu'il y en aura d'autres, en particulier avec les Italiens. Et naturellement, Tito exploite le fait en accusant son rival. C'est le commencement d'un véritable procès en sorcellerie. Et malheureusement, les alliés seront complices des ennemis du général serbe et contribueront à sa perte. En 1969, la Tribune de Genève a consacré un long dossier à l'affaire Mihailović. J'en extrais ces quelques lignes écrites par un lecteur serbe, Predag Milovanović. Les communistes reprochent à Mihailović de n'avoir pas engagé un combat sans merci contre l'occupant, alors que les Allemands, pour chaque soldat tué, fusillaient aussitôt 100 otages. Mihailović ne voulait pas que son peuple soit massacré et obéissait aux directives reçues du général Eisenhower. Voici celle du 20 mai 1944. Eisenhower à toutes les guérillas d'Europe. Soyez patients et avant tout observez tous les mouvements de l'ennemi. Restez cachés tant que ne vous soit pas donné l'ordre d'attaquer. Les communistes n'avaient, eux, aucune raison d'attendre, puisque leur but n'était pas uniquement de chasser l'occupant, mais surtout de prendre le pouvoir. En ce qui concerne la prétendue collaboration de Mihailović avec l'occupant, voici la déclaration du colonel Fuchs, chef de la Gestapo en Serbie, devant le tribunal de Belgrade en novembre 1947. Jamais la Gestapo, dont j'étais le chef, n'a eu aucune liaison avec le général Mihailović. De surcroît, nous avons toujours considéré Mihailović comme l'ennemi numéro un du peuple allemand. C'est pourquoi tous les membres de son mouvement ont toujours été persécutés sans merci. Tous les Allemands ont toujours estimé que le mouvement en Serbie était le plus grand danger pour la sécurité des troupes allemandes dans les Balkans. Enfin, c'est le mouvement qui a donné aux Allemands le plus de fil à retordre. D'autre part, il semble, toujours d'après ce même lecteur, que la radio de Londres ait attribué certaines victoires de la résistance yougoslave aux partisans de Tito alors que les sabotages avaient été effectués par les tchétniks de Mihailović. En fait, et bien qu'apparemment les alliés continuaient de soutenir à la fois Tito et Mihailović, les jeux étaient faits dès l'été 1942. Les jeux étaient faits, c'est-à-dire? En août, Churchill et Staline signent des accords secrets qui prévoient l'abandon de Mihailović au profit de Tito. Et pourquoi? Pourquoi ce choix? Pour quelle raison? On peut imaginer que l'oncle Joey, comme l'appelait Roosevelt, a réussi à persuader Churchill que la résistance des partisans de Tito était plus performante que celle de Mihailović. En tout cas, c'est la première explication qui vient à l'esprit. Oui, alors même que Londres accueillait le gouvernement yougoslave en exil, gouvernement dont Mihailović était le ministre des armées, c'est ça? Oui, je sais, ça semble très bizarre. Alors vous avez une autre explication? Bien sûr, mais un petit peu de patience encore. Ces accords secrets seront d'ailleurs en quelque sorte officialisés au cours de l'année 1944, lors d'une autre rencontre Churchill-Staline. J'interromps un instant, Monsieur X. La rencontre Churchill-Staline a eu lieu en octobre 1944 à Moscou. Et elle a abouti à une véritable répartition territoriale des Balkans. Voici comment Paul-Marie de Lagorce la présente dans son ouvrage 39-45, Une guerre inconnue, publié aux éditions Flammarion. On sait que le 9 octobre 1944 à Moscou, Churchill résuma ce partage sur une feuille de papier qu'il avait tendue à Staline et où l'influence respective de la Grande-Bretagne et de l'URSS était ainsi mesurée. Roumanie, URSS, 90%, autres, 10%. Grèce, Grande-Bretagne, 90%, autres, 10%. Yougoslavie, URSS, 50%, Grande-Bretagne, 50%. Hongrie, URSS, 50%, Grande-Bretagne, 50%. Bulgarie, URSS, 75%, autres, 25%. Il faut aussi reconnaître que Tito et Mihailović, d'une certaine façon, ne se battaient pas sur le même terrain. C'est-à-dire? Mihailović était un militaire fidèle à son roi. Le maréchal Tito, lui, est un politique. Il se bat pour prendre le pouvoir, un pouvoir révolutionnaire. Donc. Non. C'est donc encore plus surprenant que le conservateur Churchill prenne son parti. Vous avez raison. Mais je vous le promets, je vous donnerai une explication. Bon. Donc Tito, le politique, organise un peu partout des comités de libération. Et il crée un conseil antifasciste de libération nationale de la Yougoslavie. Les communistes y sont naturellement majoritaires. Mais d'autres participent aussi. Ce conseil, un peu à la façon de notre CNR, se dote d'un programme politique, Des réformes démocratiques sont prévues. Et pourtant, les communistes sont majoritaires. Hein. Oui, mais très intelligemment, Tito prend soin de regrouper autour de lui des représentants de toutes les communautés. Tito lui-même était d'ailleurs croate. C'est juste. Tandis que le tchétnik de Mihailovic était essentiellement serbe. Et Tito prend ouvertement parti pour l'établissement d'un vrai régime fédéral qui accordera l'autonomie à chacune des communautés. Mais militairement, est-ce que les deux mouvements de résistance, donc les partisans de Tito et les tchétniks de Mihailovic, se valaient? À peu près, oui. Ils ont fait preuve du même courage. Mais quand en 1943, les Italiens mettent les pouces et abandonnent le combat, les partisans s'emparent de leur matériel. Et dès lors, le rapport des forces est nettement en faveur de Tito. J'ajoute que le recrutement social des deux mouvements n'était pas le même. Les partisans de Tito étaient plutôt des ouvriers? C'est ça. En tout cas, c'était surtout des gens des villes. Tandis que les tchétniks de Mihailovic étaient plutôt des villageois. D'ailleurs, on avait même surnommé Mihailovic le chouan des Balkans. Mais comment se traduit concrètement le lâchage de Churchill? Parce qu'il faut bien parler de lâchage. Hein. Churchill qui agira en accord avec Roosevelt, n'oublions pas. Quand même, hein. Et bien d'abord, peu à peu, les parachutages d'armes privilégient les partisans de Tito au détriment des tchétniks. Mais c'est surtout sur le plan politique que Mihailovic va progressivement être écarté. En juin 1944, Pierre II nomme un nouveau chef de gouvernement. Et comme par hasard, Mihailovic est écarté. C'est-à-dire qu'il perd son ministère des armées. Oui, mais il demeure toutefois le représentant officiel du roi en Yougoslavie. C'est-à-dire le chef de la résistance monarchique. C'est ça, oui. Et vous pensez que les Britanniques ont pesé sur la décision du roi? Ça me paraît évident. Deuxième coup dur pour Mihailovic. En août, Churchill et Tito se rencontrent en Italie. La réunion se passe d'ailleurs en présence de Subasic, le nouveau chef de gouvernement nommé par Pierre II. Et comment ça se passe? Très bien. Mais si Subasic est là, c'est donc que Churchill espère aboutir à une réunification de la résistance yougoslave. Oui, mais une réunification au profit de Tito. Et ce dernier, en échange, donne son accord au débarquement de quelques troupes anglaises sur la côte adriatique. Un accord qu'il n'a nulle intention de tenir, vous allez voir. Mais bientôt, troisième coup dur pour Mihailovic, le roi Pierre II fait une importante déclaration à la radio. Il demande aux Croates, aux Slovènes et aux Serbes de rejoindre l'armée populaire de libération du maréchal Tito. Et Mihailovic est donc désavoué. Oui, d'autant que le roi ajoute que tous les combattants de la résistance qui n'obéiront pas à cet ordre seront considérés comme des traîtres. Et comment réagit le monarchiste Mihailovic? Comme vous l'imaginez bien, il est effondré, il se sent trahi, et par son propre roi. Ouais. Mais est-ce qu'il envisage quand même un moment d'obéir? C'est-à-dire de rejoindre l'armée de Tito? Bah oui. Non, pas un instant. Il a peut-être pensé à fuir, à quitter la Yougoslavie, mais entrer dans les rangs communistes, non. Alors il va continuer à résister tout seul dans son coin, à la fois contre les Allemands et éventuellement Tito. C'est effectivement ce qui se passe. Car quelques jours après la locution de Pierre II, les tchétniks sont attaqués par des partisans. Et Mihailovic est contraint de fuir en Bosnie. Quant à Tito, à peine a-t-il quitté Churchill qu'il s'envole pour Moscou. Mais que va-t-il y faire? Il va négocier la libération de son pays par l'armée rouge avec l'appui naturellement de ses propres forces. C'est-à-dire que les partisans vont se placer sous l'autorité des soviétiques. Mais, et ce mais est très important, l'accord qu'il signe avec Staline prévoit que l'armée rouge se retirera dès que la victoire sera acquise. Ouais. Ça signifiait quand même que la Yougoslavie basculait dans la zone d'influence communiste. Bien sûr. Car à partir du moment où l'armée rouge va chasser l'occupant allemand, il est évident que Tito va s'installer en maître. Et que tôt ou tard, après une période intermédiaire où il fera semblant de faire ami-ami avec le gouvernement nommé par Pierre II, il s'emparera totalement des rênes du pouvoir grâce à la présence des soviétiques et à ses partisans. Churchill était donc berné? Oui. Tito avait joué de façon magistrale. Tito, mais aussi les hommes qui, dans l'ombre, avaient manipulé Churchill. Le vieux lion anglais avait trouvé plus malin que lui. J'ai cité au début de cette émission le livre de Jean-Christophe Buisson sur Mihailovic, héros trahi par les alliés. Voici ce qu'il écrit à propos de la façon dont Churchill a été berné en cet automne 1944. Début décembre. C'est à Tito lui-même que Churchill adresse ses reproches. Le chef communiste ne daigne même pas lui répondre. En tout cas, pas personnellement. C'est par un communiqué officiel diffusé sur la radio yougoslave que Tito fait connaître son opinion. Aucun accord semblable à celui conclu entre la Yougoslavie et l'Union soviétique n'a été signé avec la Grande-Bretagne et les États-Unis pour autoriser les troupes de ces deux pays à pénétrer en Yougoslavie, est-il rappelé. Cette fois, le désaveu est total. Je suis parvenu à la conclusion que nous avons nourri une vipère en Tito, lâche Churchill à Haydon dans une lettre du 19 décembre 1944. Son ministre des Affaires étrangères va, lui, encore beaucoup plus loin. Nous n'aurions pas abandonné Mihailovic si nous avions pu prévoir le comportement actuel de Tito. Churchill a donc été trompé, il le sait parfaitement, mais officiellement il ne peut pas l'admettre. Alors il feint de continuer à soutenir Tito, et il s'en félicite. Et lorsqu'arrive la conférence de Yalta... Février 45, je crois. Exactement. À Yalta, donc, le sort de la Yougoslavie est scellé, puisque Staline obtient sans difficulté des autres alliés que le pays fasse partie de la zone d'influence soviétique. Oui. Il pouvait difficilement en être autrement, puisque Tito et ses hommes occupaient déjà une grande partie du territoire. C'est juste. Et il avait immédiatement procédé à une épuration implacable. Épuration dirigée à la fois contre les collaborateurs et les tchétniks, même ceux qui avaient participé au combat de la libération aux côtés des soviétiques. Alors justement, Mihailovitch, que vient-il dans tout ça? Je crois vous avoir dit qu'il avait trouvé refuge en Bosnie avec une partie de ses hommes. Oui. Mais sa position devient vite intenable. Et lorsqu'il décide de revenir en Serbie, en mai 1945, sa troupe est violemment attaquée par les hommes de Tito. Des milliers de tchétniks sont tués. Mihailovitch, une nouvelle fois, doit fuir. Mais avec lui, il n'y a plus qu'une poignée d'hommes. Et il n'entend que continuer à résister contre les partisans? Oui, il appelle à l'union contre les communistes. Comme avant, il avait appelé à résister contre l'occupant. C'est un combat désespéré. Mihailovitch est abandonné de tous. C'est un homme traqué. D'autant que pendant ce temps, Tito triomphe sur tous les plans. Lors des premières élections à la fin de 45, son camp est plébiscité, la monarchie est abolie et Tito lui-même est élu président de la République. Ouais, mais il lui reste quand même à capturer Mihailovic, hein. Oui, Mihailovic qui se cache dans les montagnes à la frontière entre la Serbie et la Bosnie. Mihailovic qui est malade, épuisé autant physiquement que moralement, mais qui refuse toujours de quitter son pays, la Serbie, sa terre sacrée. Ouais, une expression que d'autres nationalistes serbes ont utilisé il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, moi aussi je me méfie de ce lyrisme nationaliste qui peut mener à tous les excès. Vous savez ce que disait De Gaulle à ce propos? Non. Être patriote, c'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est détester les étrangers. Ah, c'est assez bien vu en effet. Ouais. Alors je ne peux pas être soupçonné de sympathie pour le nationalisme. Tous les nationalismes, mais malgré tout je ne peux pas oublier que Mihailovic a été le premier à se lever contre l'occupant nazi et qu'il a été ensuite honteusement trahi par les alliés. Alors, combien de temps va-t-il encore pouvoir tenir? Quelques mois, tout juste. Ici ou là, les tchétniks créent des troubles, mais chacun sait que la fin est proche et que le Robin des Bois des Balkans tombera tôt ou tard, même si dans son refuge montagneux il est ravitaillé par des villageois fidèles. Mais c'est par la Russe qu'on va le prendre. Racontez. Une nuit, des avions survolent le maquis où est censé se cacher Mihailovic. Des tracts sont lâchés, des tracts signés par l'armée britannique. On promet aux monarchistes de leur parachuter du ravitaillement et des armes. Bah, après ce que lui a fait Churchill, Mihailovic devrait se méfier. C'est évident, mais effectivement, vivres et armes sont parachutés. Draza Mihailovic commence à reprendre confiance. D'autant que dans les colis qui ont été livrés, il y a un message. Les Britanniques demandent au chef des tchétniks de préparer un aérodrome de fortune. Afin de pouvoir ravitailler plus aisément et en plus grande quantité le maquis anticommuniste. Exactement. Mais Mihailovic, malgré sa maladie, il est victime du typhus, il hésite. Il craint un piège. Toutefois, il finit par ordonner à ses hommes d'obéir aux consignes des Anglais. Mmh. Et les tchétniks, donc, préparent une piste d'atterrissage. Oui, une piste sommaire, comme celle qui permettait aux Lysander anglais d'atterrir en France occupée. Et au mois de mars, trois avions s'y posent. Les officiers britanniques en descendent. Ils sont immédiatement pris en main par les tchétniks, qui, après avoir vérifié leurs documents, les conduisent jusqu'à la cachette de Mihailovic. Celui-ci, je vous l'ai dit, est très malade. Les Britanniques proposent de le transporter en Italie où il pourra être soigné. Mmh. Et le général accepte? Mihailovic est physiquement très diminué. Et malgré son désir tant de fois exprimé de ne pas quitter la terre serbe, oui, il finit par céder. Il est donc conduit sur une civière jusqu'aux avions qui décollent immédiatement dès que le général est à bord. Mais vous l'avez compris, il s'agit d'un piège. Ouais. Les Britanniques ne sont pas des Britanniques. Non, ce sont des Yougoslaves. Et la destination, ce n'est pas l'Italie, mais Belgrade. Mihailovic est désormais prisonnier de Tito. J'ajoute qu'au même moment, d'autres avions survolent le maquis des tchétniks. Attaque au gaz, parachutage. Les hommes de Mihailovic sont rapidement défaits. Mais Tito a donc définitivement triomphé. Et il exploite aussitôt sa victoire. La capture du criminel de guerre, Draza Mihailovic, fait les gros titres des journaux. Criminel de guerre. Oui, c'est ainsi qu'on le présente et qu'on prépare son procès. Mais comment réagit l'opinion occidentale qui a fait de Mihailovic, vous l'avez dit vous-même, un héros? À l'ouest, une campagne en faveur de Mihailovic commence tout de suite. Mais Tito s'en moque comme de sa première chemise. Pourtant, un célèbre avocat américain, Arthur Garfield, qui avait été l'un des défenseurs des communistes accusés par les nazis d'avoir incendié le Reichstag, crée une commission d'enquête chargée d'évaluer la culpabilité de Mihailovic. Conclusion? Les actes de résistance du général sont incontestables et rien ne prouve qu'il ait collaboré avec l'occupant. Mais je vous l'ai dit, Tito a déjà pris sa décision. Mihailovitch, son seul rival de taille, doit être éliminé. Et les gouvernements alliés? Ben, ils envoient note sur note, mais c'est à peine si Belgrade y répond. Le traître Mihailovitch, comme on l'appelle maintenant, doit être jugé et bien sûr condamné. Mais de quoi l'accuse-t-on principalement? D'avoir collaboré. Une brève interruption. J'ai trouvé dans le livre déjà cité de Jean-Christophe Buisson la réponse yougoslave à une note américaine qui soulignait que le général Mihailovitch avait rendu de grands services à la cause alliée. Belgrade répond donc. Le gouvernement yougoslave concède et veut croire que Draža Mihailović avait en apparence une attitude loyale envers les États-Unis et qu'un certain nombre de pilotes américains forcés d'atterrir sur le territoire qu'ils contrôlaient fut sauvé. Mais les crimes commis par le traître Mihailović envers les peuples yougoslaves sont trop grands et terribles pour que l'on ose même poser la question de sa culpabilité. Est-ce que toutes ces interventions vont quand même permettre au général Mihailovitch d'avoir un procès équitable? Même pas, non. Les témoignages favorables sont systématiquement écartés. Mieux, pour être certain d'aboutir à un verdict de culpabilité, le général monarchiste comparaît en même temps qu'une vingtaine d'autres accusés. Des tchétniks? Certains, oui. Mais il y a surtout des collaborateurs, d'authentiques collabos. Ouais, l'amalgame, donc. Tout à fait. Quant à Mihailovitch, il est si faible qu'il se défend mal. Peut-être même a-t-il été drogué. Dans ces conditions, la condamnation à mort était inévitable. Et le 17 juillet, au lendemain du verdict, le général a été exécuté. Alors, au terme de cet entretien, pouvez-vous maintenant m'expliquer pourquoi Churchill a abandonné Mihailovitch? Vous m'avez parlé d'homme de l'ombre qui avait manipulé le Premier ministre britannique, c'est ça? Oui, et le principal personnage qui a joué un rôle dans cette affaire s'appelle James Klugman. Qui était-ce? Klugman était un ancien de Cambridge, où il avait connu Philby et surtout MacLean. Ah, les fameux espions de Cambridge. Oui, je vous en ai déjà parlé. Klugman était lui aussi un espion soviétique appartenant au même réseau. Et il avait réussi à entrer au SOE, le Special Operation Executive, ce service créé par Churchill afin de susciter dans toute l'Europe des mouvements de résistance. Ouais, mettez l'Europe à feu. Oui, c'était le mot d'ordre de Churchill. Or, Klugman avait été affecté à la section yougoslave. Pourquoi? Parce qu'il parlait parfaitement le serbo-croate. Et vous pensez que cet homme a pu exercer une influence telle sur Churchill qu'il lui a suggéré d'abandonner Mihailovitch au profit de Tito? Oui, j'en suis certain. Klugman, qui a même été parachuté en Yougoslavie, a servi d'agent de liaison auprès du maréchal Tito, n'a cessé de clamer que la vraie résistance se trouvait dans le camp titiste. J'ajoute que très tôt, il a insinué que les tchétniks de Mihailovitch n'étaient pas fiables et que leur relation avec l'occupant n'était pas très claire. Et ce spécialiste incontesté de la Yougoslavie a fini par convaincre ses chefs du SOE et donc Churchill lui-même. C'est donc Moscou, en fait, qui a berné le Premier ministre britannique. Exactement. Mais je crois qu'il ne faut pas rejeter tout le poids de la responsabilité sur Churchill. Outre le fait qu'il a été intoxiqué, comme je vous l'ai expliqué, il y avait aussi de bonnes raisons de faire confiance à Tito. Mais pourquoi? Pour lui, comme pour d'autres dirigeants occidentaux, le maréchal Tito était d'abord le champion de l'indépendance yougoslave. Vous voulez dire un champion de l'indépendance avant d'être un dirigeant communiste? Exactement. Déjà, les observateurs les plus avertis avaient noté que Tito n'obéissait pas aveuglément à Staline. Et la suite allait leur donner raison. Par conséquent, Churchill pouvait penser que Tito ne serait pas le petit soldat de Staline. Et sur ce point, au moins, il ne s'est pas trompé. D'après Paul-Marie de la Gorce, ce Klugman, membre du réseau soviétique de Philby et MacLean, a jeté le masque après-guerre puisqu'il est devenu membre du bureau exécutif du Parti communiste anglais. Pour finir, je voudrais citer un article du Monde paru pendant le procès de Mihailovitch en juin 1946, article reproduit dans le livre de Jean-Christophe Buisson publié chez Perrin. En aucune manière n'avons-nous à anticiper sur les conclusions du tribunal. Nous savons seulement que certains points restent obscurs dans l'histoire de la résistance yougoslave. Il semble en effet que le général Mihailovitch, après quelques durs revers, se soit montré timoré et d'une prudence excessive. Il semble également que son autorité fût faible sur certains de ses lieutenants qui se compromirent avec l'occupant et que lui-même ait accepté certains contacts pour éviter d'effroyables représailles. Il apparaît enfin que les partisans de Tito manifestèrent dans la résistance un courage, un mordant, une volonté de lutte qui en firent bientôt les plus redoutables adversaires des Allemands, à telle enseigne que le gouvernement anglais se détourna bientôt de Mihailovitch pour leur apporter toute son aide. Tout cela ne peut tout de même effacer les magnifiques pages d'héroïsme qu'ont écrites les tchétniks au prix de leur sang. Les Alliés eux-mêmes ont reconnu que leur action, en retardant l'arrivée des renforts allemands, a joué un rôle important dans les succès de la campagne d'Afrique.